liberté. Another love. Oh, my tears have been used up on another love. Another love. Oh, my tears. Et tu parlais de mouvement de main, tu parlais de voilà, ça c'est des exemples de masculinité justement super classique à la française, bon, homme blanc, tu parlais après de Bob Marley. Et toi ensuite à l'adolescence, tu as découvert la danse, en fait, le hip-hop. Ça, ça a été quelque chose qui a été très important non, dans les trucs. Malgré ça, parce que mon père se foutait de ma gueule à mort. Par contre, ça a fait bien. Ouais, parce que je dansais, de toute façon, se foutait de ma gueule. En fait, le truc, c'est que. Quand je faisais des graffitis, c'était pareil, t'imagines pas un repas de Noël où, avec ta famille, et derrière, il y a un hein, qui lance. Et alors toi Didier, tu fais quoi en ce moment, et toi ça va comment, et que en fait c'est ton père qui répond à ta place pour dire bah là, il est comme un gamin de 10 ans, il crée sur les murs, il est content de lui. Et ben malgré ça, ça n'a jamais altéré quoi que ce soit. Et la danse pareil, j'arrive à la une cité à l'époque, ouais, tu danses. Just wait till I get in my zone. Talk all the silly talk. Mama told me never hit it wrong. Certain shit a nigga pick up on. You cannot trick me, the joy is up. Come on, I play my bum. Everything is gone. Let it go in my truck. Put it up, don't sit up. I'ma roll up my smile. And I'm gonna start like dumb. What you looking for, give up? Ain't gonna fuck with the fun. When you put it like that, like that, like that, like that, you know. Don't the friends wanna come with me? Tell me put those arms on the beat. Can't let you walk in the door. You show me what that pussy in the floor. Now she gonna pack up the vibe, but you got me out by the Le portrait, il est habituel, il est sale, il a un bâton, une besace, une écuelle. Il est barbu, c'est un personnage qui vit dans un tonneau, dit-on. J'ai dû vous dire déjà que la traduction du mot pitos en grec ne peut pas être tonneau, puisque le tonneau est une invention gauloise. C'est-à-dire que toute l'iconographie qui vous présente un Diogène dans un tonneau est fautive. D'un point de vue historique, elle devrait vous présenter un Diogène dans une amphore, une grande amphore d'huile ou une grande amphore de vin, comme on en trouvait sur les ports à cette époque. Diogène crée son personnage théâtral de philosophe vagabond qui exhorte ses congénères à vivre en se conformant aux lois de la nature selon un bestiaire hautement pédagogique. De provocation en provocation, Diogène, par les crocs et le bâton, par de féroces jeux de langage et de mains, enseigne à ses contemporains la voie courte, la plus exigeante pour arriver au dénuement, conquérir la maîtrise de soi et l'absolue liberté. Diogène démystifie les illusions, les vanités, les fausses gloires, le pouvoir, les honneurs et les richesses qui dénaturent l'homme. On ne le connaît que par des témoignages fragmentés et les commentaires de ses ennemis principalement. Ils l'ont beaucoup caricaturé, mais Diogène, le subversif intempestif, l'objecteur de conscience, est un penseur qui exprime avec radicalité une vision du monde et une pensée philosophique en acte. Pour bien vivre, il faut disposer d'une raison droite ou d'une corde pour se pendre. Et puis c'est celui également qui est phoréticos, c'est-à-dire qui est perspicace. Celui qui sait distinguer l'ami de l'ennemi, hein, qui voit exactement de quoi il s'agit. Et qui en plus est un chien de garde. Alors que garde-t-il ? Évidemment, il ne garde pas la cité comme les chiens de garde platoniciens, mais il garde les principes de sa propre philosophie. Les autres chiens, disait Diogène, mordent leurs ennemis, tandis que moi, je mords mes amis, de manière à les sauver. Le chien, c'est aussi un emblème parce que ça mord, parce que ça ne reconnaît même pas forcément son maître, ça peut mordre la main de celui qui le nourrit. Michel Onfray. Et que si un cynique se trouve à la cour d'un puissant, c'est pas parce que le puissant lui donnera à manger que pour autant le cynique ne le mordra pas. Il est capable, bien que mangeant à la table d'un prince, de dire au prince que ce qu'il fait n'est pas défendable. Enfin, il est un peu le bouffon du roi en étant l'éthique d'un homme sans morale. Le chien, c'est celui qui lève la patte et qui pisse partout et qui copule avec la chienne qu'il aura rencontrée, etc. Diogène dit, voilà, c'est un modèle. Et alors évidemment, c'est une plaisanterie, évidemment, c'est choquant pour un philosophe de dire cherchez l'animal qui est en vous plutôt que de dire ce que disent les philosophes habituellement, du genre sortez de l'animal qui est aussi en vous. Mais au-delà de la provocation, se dit finalement, il n'a peut-être pas totalement tort aujourd'hui, alors qu'on a été hyper culturalisé, qu'on a des couches de civilisation qui nous ont recouverts, comme de la cendre recouvre Pompéi, par exemple. Eh bien, on peut imaginer que un travail de retrouvaille avec soi, avec notre part animale, n'est pas forcément une mauvaise idée, que Diogène n'avait sûrement pas tort déjà. La leçon philosophique, elle est très simple, ne t'embarrasse pas de choses inutiles. Avoir, ça n'est pas être, et posséder, c'est être possédé. Donc juste le nécessaire, et parfois même le nécessaire est superflu. Mais à ceci près que Platon, si vous permettez, disait que Diogène, c'est un Socrate devenu fou. Vous savez, il y a une formule de Plutarque qui dit bien les choses. Il dit, au fond, le propos des cyniques, c'est de vouloir ensauvager la vie. Ensauvager la vie. Enfin, la bête sauvage, l'animal sauvage, peut apparaître comme un modèle. Mais alors, rechercher l'humanité, c'est faire la bête, d'une certaine façon. C'est faire la bête, naturellement, mais oui. Alors, faire la bête, ça va nous amener quoi ? Le bonheur ? Alors, oui, bien sûr, c'est en principe la finalité de l'opération. Plutôt que le bonheur, je crois qu'il s'agit plutôt du contentement de soi. C'est-à-dire l'idée d'avoir accompli un périple, et que ce périple, finalement, manifeste ce que tout individu, en principe, porte en lui, et qu'il peut alors complètement réaliser, à partir précisément à la fois de la maîtrise de soi-même, car il y a bien l'idée d'une maîtrise de soi-même, hein, qui exige un entraînement, tout cela n'est pas donné. Il y a même un texte de Diogène Laërce, qui est une interpolation, sans doute stoïcienne, mais enfin peu importe, qui compare l'entraînement des athlètes et l'entraînement psychique, moral. La question de l'ascèse sévère, elle suppose justement qu'on évite de tergiverser. Une espèce de façon de ne pas s'encombrer du monde chez les cyniques, en disant si quelque chose pose problème, fonce dedans ou passe par-dessus, mais ne passe pas à côté. C'est une philosophie de taureau excité ou de sanglier, quand même, la philosophie des cyniques. Je pense qu'il y a une espèce, presque une brutalité de grande santé, quoi. Quand il nous dit que quand on est mort, après tout, c'est terminé. J'allais dire, quand on est mort, c'est pour la vie, ou c'est pour longtemps, ou c'est pour l'éternité, et bien que on peut très bien balancer le cadavre dans un fossé, que ça suffira bien si des oiseaux ou des chiens passent par là et mangent le cadavre, c'est pas vraiment un problème. On peut donc imaginer que ce matérialisme-là, il est radical, que l'idée d'une espèce d'âme qui serait éternelle, immortelle, lui était absolument étrangère, et qu'on est dans une radicalité matérialiste, dans une radicalité hédoniste aussi. Mais vous qualifieriez Diogène de libertaire, de subversif, d'anarchiste ? Non, pas du tout. Non, je pense que c'est... Il y a une part de provocation, évidemment, mais elle n'est jamais gratuite. La provocation pour Diogène, tel que je le comprends, hein, c'est pour faire avancer les choses, pour faire réfléchir, pour aider les hommes à s'émanciper et à devenir hommes, vraiment. Mais alors, que veut-il dire par ce geste ? Il veut dire qu'il faut se réconcilier, en quelque sorte, avec une nature qu'on a un peu délaissée, peut-être, qui est prisonnière de tout un tas de conventions incompatibles avec le statut d'homme libre. Il remue, il secoue, mais pour obliger à réfléchir sur... qui est de l'ordre du préjugé, de la doxa, et ce qui est vrai, ce qui est authentique, ce qui est émancipateur. La provocation est une invitation à arrêter le personnage qui passe et qui ne s'arrêterait pas sinon. Il faut étonner. Donc on dit que l'étonnement est à l'origine du questionnement philosophique. Et on peut effectivement étonner plus facilement en se masturbant sur la place publique qu'en faisant un long discours qui ne va pas forcément arrêter le docker, le charpentier ou la marchande de poissons qui passe. D'un seul coup, ce geste-là fait qu'on va sûrement s'arrêter et qu'il va y avoir un attroupement et que ça va être l'occasion de stopper une foule pour l'inquiéter philosophiquement. C'est un geste pédagogique. Oui, absolument. Eh bien, voilà un individu qui, quand Alexandre le Grand vient le voir, dans son amphore, il a entendu parler de Diogène, et on lui dit, il y a un philosophe étonnant, subversif, extrêmement libre, il y a des conseillers en communication qui m'ont fait savoir qu'il y avait cet individu qui s'appelait Diogène. Alexandre arrive, c'est l'équivalent, je vous dis, d'un Obama aujourd'hui, et on connaît l'histoire, enfin il y a une traduction, hein, qui est le personnage d'Alexandre qui dit à Diogène « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Dis-moi ce que tu veux, je le peux. » Et la traduction classique est « Ôte-toi de mon soleil ». On dirait aujourd'hui « Tire-toi, tu me fais de l'ombre ». Un philosophe qui est capable aujourd'hui de dire à un homme de pouvoir « Tire-toi, tu me fais de l'ombre », il n'y en a pas beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des gens qui se dépouillent de tout pour être plus proches des réalités, aussi bien des réalités matérielles que des réalités spirituelles. Mais tous sont quand même des rieurs, des gens qui veulent vivre la vie et qui surtout veulent ne dépendre de rien ni de personne. Ça reste quand même une jubilation sans nom, tout ça.